Kanyangi. Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Bonsoir. Voici les grands titres de cette édition. La question de l'emploi type non défini ou mal défini est l'une des préoccupations soulevées ce lundi par des fonctionnaires de la province Lomongué à l'endroit du ministre de la fonction publique. Il n'y a pas de carence des semences des variétés de locales de maïs, rassure le chargé de la promotion des filières au ministère burundais de l'Agriculture. Au Kenya, la police a annoncé ce lundi la découverte de 9 corps dans une décharge. Un tueur en série présumé arrêté avoue avoir tué 42 femmes. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Wiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. Les nouveaux fonctionnaires de l'État qui attendaient de percevoir leur salaire vont être payés au plus tard avec fin août de cette année. Des assurances de Venuste Muyabaga, ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi ce lundi lors de sa descente en province Lomongué. Selon lui, même le droit à acquérir occasionné par la nouvelle politique salariale équitable sera payé en entièreté au plus tard avec le mois d'août de cette année. Une correspondance signée Jean-Pierre Misago. Dans cette réunion, Venuste Muyabaga, ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, a déclaré que la plupart des dossiers des nouveaux fonctionnaires qui attendaient d'être payés depuis des mois sont parvenus à son ministère depuis le mois d'avril de cette année. Depuis lors, son ministère s'active pour les rétablir dans leurs droits et a déjà jusqu'ici payé 75% de ses fonctionnaires. Selon Venuste Muyabaga, le reste sera payé les mois de juillet et août 2024. Une autre question qui sera vidée au plus tard avec le mois d'août prochain est le paiement du droit à acquérir pour les fonctionnaires, un droit à acquérir estimé à 60% restant et dont le paiement était étalé sur 10 ans sera payé d'un seul coup, a annoncé le ministre Muyabaga. La question de l'emploi type non défini ou mal défini et qui influe sur le salaire des fonctionnaires a été également évoqué. Ici, le ministre Muyabaga a déclaré que son ministère est à pied d'œuvre pour corriger les erreurs y constatées. Jean-Pierre Misago, depuis Lomongué, Radio Isanganiro. De Lomongué, rendons-nous en province Bubanza, un terrain de plus de 48 hectares qui avait été concédé à la société Tanganyika Tile Industry, lui est retiré selon un décret présidentiel du 5 juillet de cette année. Ce terrain est situé en commune Gihanga de la province Bubanza et l'objectif de la société était de produire des carreaux. Ce terrain retourne dans le domaine privé de l'État. Sur ce, les habitants de la commune Gihanga de cette province espèrent qu'avec ce retrait, ils pourront encore une fois avoir des terres cultivables. Mais la direction provinciale de l'agriculture dans la dite province nuance. Seul l'État sera la finalité de ce terrain, aujourd'hui occupé par la culture du manioc. Le point Vexpress Caritas, Kabanyana. Les habitants de la colline Kagwema et des environs que nous avons contactés poussent un ouf de soulagement et apprécient la mesure de l'État de retirer un terrain de plus de 48 hectares à la société Tanganyika Tire Industry qui allait y exercer différents projets, y compris la fabrication des carreaux selon certains de cette société. Ce terrain qui était en conflit depuis quelques années avait souvent été l'origine des malentendus entre ces cultivateurs et cette société qui disait détenir des documents d'attribution de la part de l'État. Ces cultivateurs disent qu'ils exploitent ces terrains depuis longtemps et qu'ils ne voyaient pas comment ils pouvaient faire vivre leur famille une fois expropriés. Ils ajoutent que ces terrains leur appartiennent à part entière, du moins une partie, et une autre partie communément appelée CAD appartient à la commune qui recevait même des frais de location selon Quentin Marc Ngendakumana, représentant de ces cultivateurs. Et ceux qui exploitent la partie de la commune Gihanga demandent de continuer l'exploitation comme avant. À la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Bubanza, on explique que c'est l'État qui a la compétence de répondre à ces cultivateurs. Spécialitas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Parlons encore agriculture. Les agriculteurs sont appelés à utiliser des semences de variétés locales de maïs qui donnent un bon rendement agricole. Selon le directeur en charge de la promotion des filières agricoles au ministère de l'Agriculture, Médard Ndaye Kengoulkie, précise qu'il n'y a pas de carence de semences de maïs au Burundi, puisqu'il y a plus de 1000 tonnes de semences de variétés locales. Il explique que les changements climatiques observés dans plusieurs pays et dans la région ont fait que les semences hybrides n'ont pas été disponibles en quantité suffisante. On l'écoute. On ne peut pas dire qu'il y a la carence des semences pour le maïs. Comme vous le savez, pendant la saison sèche, les agriculteurs utilisent beaucoup plus la semence de maïs hybride. Avec les effets du changement climatique, que ce soit au Burundi et au niveau régional, la disponibilité des semences de maïs hybride, comme ils sont importés, ne sont pas en quantité suffisante ici au pays. Mais heureusement qu'au Burundi, nous avons des multiplicateurs de semences qui produisent des semences de bonne qualité, ce qu'on appelle les semences de maïs composite. Actuellement, quand on se parle, l'Office national pour le contrôle et la certification des semences a déjà certifié plus de 1300 tonnes de semences de maïs. Et vous voyez qu'avec ces tonnes-là, on peut avoir suffisamment de semences pour la saison sèche. Nous recommandons aux agriculteurs de pouvoir utiliser les semences qui sont locales, comme les semences de maïs composite, parce que ces semences elles aussi donnent de bons rendements quand elles sont bien entretenues. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 18h07 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Le dossier du journaliste Gérard Nibigira, correspondant de la radio-télévision Isanganiro, dans la province de Gitega, est déjà transféré au parquet de la République dans cette province. Le commissaire communal de la police en commune Gitega l'a annoncé sans préciser. Le chef d'accusation contre Gérard Nibigira, déjà dimanche 30 juin, Gérard Nibigira était à une station-service Moulissan Zediché Philippe dans la ville de Gitega où l'on servait de l'essence dans le domaine certain. Gens étaient malmenés par des policiers. C'est par là que le commissaire communal lieutenant-colonel de police Jean-Prime Ndikou Gayo a confisqué ses téléphones en le tabassant, puis l'a détenu au cachot du commissariat provincial pendant plus de 3 heures, accusé d'avoir pris des images. Ces téléphones n'ont pas encore été remis jusqu'ici. Et le directeur de la radio-télévision Isanganiro déplore cet incident contre le correspondant de cet organe de presse et appelle le président de la République à rétablir Gérard Nibigira dans ses droits. Parlons politique à présent. Le parti savoyard Front Debout dit regretter que les personnes soupçonnées de vandaliser la permanence communale de ce parti en commune Boubanza dans la nuit du 6 au 7 n'ont pas été punies. Phénias Nigaba, vice-président et porte-parole de ce parti, demande aux différentes autorités à la base de traiter et protéger les gens de la même façon. On l'écoute. Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2024, des malfaiteurs ont endommagé la permanence du Parti Savoyard Front Debout, sise à Mitakataka. Lorsque on a constaté cela, les dirigeants du Parti Savoyard Front Debout à la base ont essayé d'approcher l'administration pour trouver la solution, pour mener des enquêtes afin de dégager les coupables et les punir conformément à la loi. Notre représentant au niveau communal a approché le chef de zone. Il a même donné les noms des soupçonnés. Dans ces noms, il y avait un chef de colline. Et le chef de zone a essayé de les entendre et il a demandé du temps pour pouvoir étudier le dossier. Ce qui a été étonnant, c'est que des jours après, le chef de zone a donné la réponse au représentant du Parti Savoyard Front Debout dans la commune de Boubanza, lui disant qu'il n'a pas de preuves tangibles qui montrent que ces personnes-là soupçonnées étaient responsables de ces actes. Et il a même proposé au représentant du Parti Savoyard Front Debout de déménager et chercher une autre maison ailleurs. Le président du Parti Savoyard Front Debout dans la commune de Boubanza n'a pas été satisfait de la réponse donnée et a dit au chef de zone que la permanence doit rester là-bas parce qu'on avait payé les frais et relatif, mais il n'avait pas de problème avec le bailleur. Ce que nous avons vu, les représentants à la base avaient essayé d'approcher les administratifs pour trouver la solution à l'échelon bas, mais le constat est que les administratifs n'ont pas montré vraiment une bonne volonté de trouver la solution. Nous demandons maintenant à ces administratifs d'être des bons exemples, parce que si on est administratif, on doit être au-dessus de la mêlée et traiter les gens de la même façon, et surtout de protéger les biens des différentes personnes de la même façon. Avant de suivre la chronique sportive de ce lundi, parlons une actualité africaine au Kenya. La police kenyane a annoncé ce lundi avoir arrêté une personne qualifiée de tueur en série, un psychopathe qui a avoué avoir tué 42 femmes après la découverte de 9 corps mutilés dans une décharge de la capitale Nairobi. Un tueur en série présumé dans l'enquête sur les 9 corps, dont au moins 8 femmes retrouvées dans des sacs plastiques dans une décharge au sud de la capitale kenyane Nairobi, annoncé la police. L'homme est âgé de 33 ans. Il a été interpellé dans la matinée de ce lundi à Nairobi et il a avoué avoir attiré, tué et disposé 42 corps de femmes sur le site de la décharge à Mukuru, dans le sud de la capitale kenyane, a déclaré cette autorité lors d'une conférence de presse tenue ce lundi par la direction des enquêtes criminelles. Radio Isanganiro, chronique sport. Place à la chronique sportive de ce lundi. Un entraîneur des gardiens de but donne des exercices physiques aux joueurs selon le niveau de capter les ballons pour ses gardiens. Amidou Hassan, vice-président de l'École nationale des gardiens de but, fait savoir que les gardiens commencent à jouer dans des différents championnats après avoir bénéficié de la formation pour être gardien de but. Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Le métier d'entraîneur des gardiens de but demande beaucoup de réflexion du fait qu'il doit détecter les talents de ses gardiens à se baser sur leurs faiblesses et points forts. Explication d'Amidou Hassan, vice-président de l'École nationale des gardiens de but. En entraîneur de gardiens de but, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de pensée. Donc, il ne faut pas faire du hasard. Il faut préparer, il faut bien sûr penser son entraînement, il faut voir les éléments qui sont devant vous. Tu travailles là-dessus en profondeur, en se basant bien sûr avec les talents des gardiens que vous avez. Il y a des gardiens qui sont faibles sur différents thèmes, ils sont forts sur différents thèmes, donc il faut travailler dessus. Pour donner les exercices physiques aux gardiens de but, un entraîneur doit se référer à tous les éléments qu'englobe le football, y compris la tactique et le mental. Et à propos d'exercices, il faut choisir, parce que comme vous le savez, le football englobe 5 éléments. Il y a d'abord du côté physique, donc il faut qu'il soit bien sûr physiquement bon. Côté technique, à chaque fois il faut améliorer, parce que comme vous le savez, le football c'est la base, et s'il n'a pas eu sa base, ce sera très difficile pour qu'il soit développé. Tactiquement aussi, comme vous le savez, on travaille en égo avec nos entraîneurs de champ. Il faut qu'il s'applique bien sûr au système de jeu, c'est-à-dire la tactique proposée par l'entraîneur principal. Et on travaille aussi sur le côté mental. Le gardien doit être prêt pour un match, doit être prêt pour ses entraînements, donc on le prépare d'abord au terrain, en dehors du terrain, on cause toujours avec lui. C'est vraiment très important pour un gardien. Le vice-président de l'École nationale des gardiens de but indique qu'à cela s'ajoute la nutrition considérée comme élément essentiel pour les gardiens. Il faut souligner aussi côté nutrition. On doit toujours veiller à ce que nos gardiens mangent suffisamment, qualité ou pas, mais qu'ils mangent. Parce que les entraînements qu'on fasse là, c'est un peu dur. On le voit souvent. Aujourd'hui, il vient le lundi, il s'entraîne. Le mardi, il est absent. Il vous dit la cause, je n'ai pas mangé le soir. Donc, il faut être prêt pour tout ça. La nutrition joue un grand rôle, très important. Bien sûr, dans son domaine des gardiens de but. Amidou Hassan précise que lorsqu'un gardien de but termine la formation, il est apte de s'aligner à n'importe quelle catégorie de la compétition, mais cela se fait en fonction de l'âge. Si un gardien se prépare suffisamment, bon, ça dépend. Ça peut prendre un mois, deux mois, quelques semaines. Ça dépend bien sûr de la base que le gardien a reçue pour qu'il puisse donc intégrer dans une équipe. Et si une fois il termine à suivre la formation, il est apte de s'aligner dans n'importe quelle catégorie. Et comme vous le savez, il y a des catégories, il y a les moins de 15 ans, c'est-à-dire les minimes, il y a les moins de 17 ans, les cadets, il y a le moins de 20 ans, les juniors, le moins de 21 ans, espoir, et pourquoi pas aussi les seniors. Donc, celui qui se classe avec l'âge qu'il a. Un gardien d'Obi peut intégrer l'autre équipe car le contrat de son club d'origine expire, mais il y a le pourcentage que son ancienne équipe reçoit lorsque le transfert est achevé. Ça peut être un contrat qui nous lie avec un des clubs d'un gardien. Si on a contrat avec lui, et si une fois il signe quelque part, on a notre pourcentage. Et le président aussi reçoit son pourcentage. Donc, c'est le cas qui arrive très peu parce que beaucoup de gardiens qu'on entraîne chez nous, dans notre école, là, souvent, on a toujours tendance de les voir partir parce qu'ils sont dans des clubs différents. Dans la prochaine chronique sportive, Amidou Hassan expliquera les défis auxquels font face les gardiens d'Obi au Burundi et proposera les voies de sortie. Point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Riku Imane qui assurait la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes.